tu me racontes, moi on m'a jamais rien donné. Si un jour je me barre, les gars, faudra pas s'étonner. Ils me font tous les gros bonnets. Ça s'arrêtera, ils vont prendre une balle dans l'abdomen. Ici bas j'ai pas le sommeil. Que je fume des pertes pour mes problèmes personnels. Et plus qu'il y a personne qui t'aime, t'as vite compris qu'il y a peu de gens qui t'aiment. La taronne fait que de s'inquiéter, dans ma tête c'est la vendetta. Bientôt ça va péter, fais que de SSP Beretta. La taronne fait que de s'inquiéter, dans ma tête c'est la vendetta. Bientôt ça va péter, fais que de SSP Beretta. La mort, les pertes, les comptes, les grosses affaires, c'est mort. Tu te perds, tu plonges, au défaut tu tombes. T'as du mal à vivre, t'attends ta réponse, toi de lundi à lundi. Même quand c'était chaud, j'ai pris ma part, toi t'as pris la fuite. On sait faire les choses dans le rap, dans le sale ou dans la street. J'ai vu des potos perdre la boule et des potos qui étaient vite pendant que son cum passe à la fouille. Cette guerre passe à la suite. En bas des bâtiments, on a tous des sales idées. Grosse descente, pédo en quantité. En bas des bâtiments, on a tous des sales idées. J'ai trop perdu mon temps, là je suis fatigué.